Écoute, quand ton niveau il est à 0 décibel, donc on peut pas jammer, il n'y a pas de place pour nous. Il faut que tu te cales à moins 18 pour qu'on puisse avoir un mix. Là, on peut pas jammer, nous. Et tu captes ? T'as vu que nous on a les levels à moins 18 dans le down ? Pas grave, pas grave, il faut juste faire la balance. Je remets la backing track, on fait la balance. Well, don't be shy. Parfait. Voilà, c'est bien. Sorry. I stopped this one because it was too strange. Okay, let's see the next one. Thank you. ne ratez rien des playoffs grâce au NBA League Pass. Accédez à tous les matchs en direct et à la demande. Regardez tous les matchs des playoffs quand vous le voulez et où que vous... Désolé pour la pub. I don't hear anymore. Can you turn your level into 18 level, please? We need keyboard, indeed. No problem. Okay, let's... Okay, I put the backing track so that I can... You can do the mix, Mark, okay? I tell... And let's see when it's okay. Can you just have a look to the level in your down? If you are next to 0 decibels, there are no... We can't jam, there are no places for other. So we are just all at... I put the level needed. Okay. Yes, this level. Okay, I think he couldn't adjust the still level. Or maybe he's coming back. Oh, some bass. Yeah. No problem, Mark. Well, everyone has this problem. Hello, Burroughs.